بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس 79 كي 79 درس. قال المؤلف حفظه الله تعالى في السؤال الرابع وثلاثين بعد 500 534 question. من هو الذي أسر وربط في المسجد ثم أسلم بعد ذلك؟ Qui est celui qui a été fait prisonnier, qui a été ligoté dans le masjid, puis qui s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Thumamah ibn Athal, qui était un mushrikin, qui s'est fait attraper en route par les sahaba, et qui était ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont ligoté au masjid, dans le masjid, et de là, les ulama se servent justement de ce hadith-là pour dire qu'il est permis d'emprisonner, de mettre en prison quelqu'un, de ligoter, ou réel zadiga, même dans le masjid. Et c'était un kafir. Et c'est aussi une chose qui prouve qu'il est permis au kafir de rentrer dans le masjid et qui n'est pas une impureté concrète, mais plutôt abstraite. C'est-à-dire, lorsque Allah Azza wa Jal, innama al-mushrikuna najas, que les polythéistes ne sont que impuretés. Ce n'est pas une impureté concrète comme le seront les excréments ou l'urine ou ce genre de choses, mais dans le sens qu'ils sont une impureté abstraite par rapport à leur croyance. D'accord ? Sans quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait pas mis dans le masjid et ne les aurait pas touchés. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam venait le voir tous les jours, il disait Kefa anta ya Thumama, et le disait: si tu me tues, alors fais le bien, et si tu me libères, alors tu me retrouveras reconnaissant. Et il le nourrissait et il se portait bien avec lui, il se comportait bien avec lui. A tel point qu'au bout de quelques jours, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam raja ilayhi wa qala, et le dit: comment tu es? Et il a fait la shahada. Puis il est parti dans un coin pour faire son roussel. Ou plutôt, il a fait son. Et après, il a fait la shahada. Et des ulama se servent de ce hadith-là également pour dire que celui qui rentre en islam doit faire un lavage. Et la masala, il y a une divergence par rapport à cela. Car il n'y a pas de hadith clair, authentique, où le Nabi sallam aurait ordonné de le faire. Mais c'est vrai que c'était qu'une des sahaba qui le faisait. Fumakala. في سؤال 36 بعد 500 من هو الصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءته في الجنة وكان بارا بأمه؟ Qui est le compagnon dont le Nabi صلى الله عليه وسلم a entendu la récitation au paradis et qui était bienfaisant vers sa mère? Et c'est Haritha ibn Nu'man. Haritha ibn Nu'man رضي الله عنه. والدليل الحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا؟ قالوا حارثة ابن نعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلكم البير كذلكم البير. رواه أحمد عن عائشة que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: je suis rentré au paradis et j'ai entendu la récitation, une récitation. Et elle dit: qui est-il? C'est-à-dire cette récitation, celle de qui? Ils ont dit: celle de حارثة ابن نعمان. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit: voici la bienfaisance envers la mère, telle est la bienfaisance envers la mère. Deux fois. Et là, c'est encore aussi également une preuve qui montre que le paradis existe déjà. Car le Nabi sallam l'a dit: Dakhaltul Jannah, je suis rentré au paradis. Thumma qala fi sual al-sabi wa thalathin ba'd 500. 537e question. Man as-sahabi allazi qala fihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li sawtihi fil jaysh khayr min alf rajul. Qui est le sahabi pour qui le Nabi sallam a dit donc sa voix dans les troupes, c'est-à-dire la voix de cet homme-là, est meilleure que 1000 hommes? C'est-à-dire la voix que porte cet homme est meilleure que 1000 hommes s'il devait parler. Et il dit: c'est Abu Talha, radiallahu, qui était le mari de Umm Sulaym, la mère de Anas ibn Malik. Mais n'était pas le père de Anas, c'était son beau-père. Comme dans le hadith de Jabir et de Anas. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la sautu Abi Talha fil jaysh khayrun min alfi rajulin. Il a dit: Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la voix d'Abu Talha au milieu des troupes est meilleure que la voix de 1000 hommes, ou plutôt est meilleure que 1000 hommes. ثم قال في السؤال 41 بعد 500 541 question. من هو الصحابي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه ملئ إيمانا إلى مشاشه لمشاشه. Il a dit: quel est le sahabi au sujet duquel le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit qu'il est rempli de foi jusqu'à la moelle, que ce compagnon est empli de foi jusqu'à la moelle? Et c'est Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir رضي الله عنه, qui était parmi les premiers à se convertir également en islam. Et le dalil, c'est le hadith de Ali, رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مري عمار إيمانا إلى مشاشه. Qu'il a entendu, Ali a entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire que Amar a été rempli de foi jusqu'à la moelle. Wal hadith rawahu ibn Majah. Wa kadhalika fi al-su'al athani wa 40 ba 500. 442e question. Man huwa alladhi qatala Sumayya Ammar? Qui est celui qui a tué Sumayya, qui était la mère de Ammar, qui est également parmi les premiers à être entré en islam. Et ça c'est Abu Jahl, la'anahu Allah. Abu Jahl qui est celui qui l'a tué. عن مجاهد قال أول شهيد استشهد في الإسلام أم عمار طعنها أبو جهل بحربة في قبولها. Que les mufassiloun, ils expliquent que le premier martyr qui a été tué en islam, justement, c'est Umm Ammar, Soumaïa. Elle a été tuée par Abu Jahl, qui l'a plantée avec une lance dans son vagin. Wali'a'adhu billah. Malgré cela, elle aura parmi les plus grandes des récompenses. Et les sahaba au début ont été torturés par les mouchidekoun, pour qu'ils apostasient. À tel point, comme Bilal par exemple, Bilal, qui était mis au soleil, écrasé pour un rocher, et malgré tout, lui, il a tenu, et il disait « Ahad, Ahad », qui montrait sa fermeté sur sa religion. « Thumma qala fi sawal arabi wa arba'in bat 500 » 544e question. « Man awwalu yahudi aslam » Qui est le premier yahudi, c'est-à-dire juif, à s'être converti à l'islam? Donc là, la question, je ne sais pas si... Je connais que... Il dit, la réponse est Abdullah ibn Salam. Par contre, Allahu a'lam, c'est le premier. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il est le premier? En tout cas, c'est sûr qu'il est entré en islam. Maintenant, est-ce qu'il est le premier des juifs à être entré en islam? Ça, Allah a'lam. Et d'ailleurs, c'était un savant des juifs. D'ailleurs, avant qu'il ne se convertisse, il avait dit, il a testé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par plusieurs questions, dont seul un prophète pourrait répondre. Il a répondu à toutes. Et il a fait la shahada. Et après, il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dis-le à ton peuple. Il a dit, je les connais, comment ils sont. Ils vont m'insulter. Tu vois, ils vont parler mal de moi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu auprès des juifs et leur a dit, que dites-vous sur Abdullah ibn Salam? Et ils dirent, c'est le meilleur entre nous, c'est le plus honorable d'entre nous, c'est celui dont le père était le meilleur, et c'était plein d'éloges. Après, Abdullah ibn Salam, il est sorti devant eux, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait la shahada. Et il leur dit qu'il entre en islam. Ils ont dit, de toute façon, toi, tu es le pire qu'on ait jamais vu, tu es le plus mauvais, tu es le plus vulgaire, et ton père était associé à cela. Voilà. Vous voyez, tout est basé sur l'alliance et le désaveu par rapport à leur personne. Les juifs, ils sont comme ça. Et aujourd'hui, les musulmans agissent de la même façon. Ils s'allient pour ceux qui sont avec eux et te prennent en animosité si tu es contre eux, même si tu as raison. Et même si tu as tort, si tu es avec eux, ils vont te faire ton éloge. Et si jamais tu es contre eux, ils vont s'en prendre à toi, même de façon mensongère. Et cette sunna, c'est la sunna des Yahoud, déjà de la sorte. Wa li azu billah. Thumma qala fi su'al 45 ba'd 500. 545e question. Man huwa alladhi saqahu fi al-mizan athqalu min jabal Uhud? Qui est celui dont les mollets sur la balance, c'est-à-dire yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, seront plus lourds. Ces mollets seront plus lourds que la montagne de Uhud. Et c'est Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Comme dans le hadith même qui rapportait qu'il allait vers un arbre pour prendre un siwak et que le vent a soulevé son vêtement à tel point que ses mollets sont apparus. Les autres sahaba, lorsqu'ils ont vu la maigreur de ses mollets, ils ont rigolé. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mimma tadhakun? Ils ont dit, de quoi vous rigolez? Qalu ya nabi Allah min diqqat saqayhi? Nous rigolons de la minceur, la maigreur de ses mollets. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wallazi nafsi biyadihi lahuma athqalu fi mizan min Uhud. Il a dit, je jure par ce nom, mon âme est dans sa main, qui sont plus lourds que Uhud sur la balance. Alors, Ahmed. Et ça, c'est en même temps une forme de rappel pour ceux qui font de l'excès dans le sport et s'imaginent qu'il faut avoir un corps de telle et telle manière pour pouvoir soi-disant faire face à l'ennemi ou avoir de la valeur. On vous dit, regardez la preuve que non. Ibn Mas'ud était un homme qui, justement, comme le prouve ses mollets, n'était vraiment pas gros, mais malgré cela, il avait plus de poids. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو الكافر يأتي يوم القيامة الرجل المتين السمين ولا يزن عند الله جناح بعوضة que un homme viendra corpulent, d'accord, et fort, c'est-à-dire imposant physiquement, et pourtant auprès d'Allah Azza wa Jal il ne vaudra même pas l'aile d'un moustique, en parlant du kafir. Et ce hadith-là est aussi à prendre en considération par rapport aux musulmans. Le fait que tu fasses du sport et que tu, par exemple, tu fasses de la musculation, ce genre de choses, aux yeux d'Allah Azza wa Jal, c'est pas ça que ta valeur sera donnée. D'ailleurs, il y a un athar que j'ai déjà cité auparavant de Ibn Abbas qui passait dans un lieu et il vit des gens qui cassaient des pierres. Et il demanda, que font ces gens-là? Et il lui fut répondu, ils se renforcent. C'est-à-dire, ils font du sport pour devenir fort. Waqala Ibn Abbas, al-aqwiyahum ibadallah. Il a dit, les forces sont ceux qui adorent Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que la force qu'on le prend pour adorer est plus forte que la force que l'on utilise pour faire du sport. Comme le fait de faire Qiyam al-Layl, le fait de jeûner, le fait de faire des sadaqas, le fait de se poser le matin dans le Masjid, prendre le Mushaf et réviser le Coran, le fait de faire des adorations, cela a plus de valeur auprès d'Allah Azza wa Jal que de soulever des pierres, de soulever des poids, des haltères, ou de courir, ou de frapper dans des sacs, ou réel zalika. Naam. Et la vraie force pour Allah Azza wa Jal, elle est là. Et c'est venu dans le hadith d'Abu Huraira, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah, l'enzuru ila ashtamikum ou la ila suwalikum, ou la kin yanzuru ila amalikum. Et fi riwaya, il a nzuru ila kulubikum, afwan fi riwaya ila amalikum. Que Allah Azza wa Jal ne regarde pas vos corps, il ne regarde pas votre image, mais il regarde ce qu'il y a dans vos cœurs et dans une version, il regarde vos actes. Hadha wa lazi wa muhtabar. Naam. Wallah al-musta'an. Thumma qala fi il. في السؤال الثالث والأربعين بعد 500 من هو الصحابي الجليل الذي كان جبريل يتمثل بصورته qui est le sahabi dont Jibril prenait l'apparence lorsqu'il venait sous la forme humaine et c'est Dihya et Kalbi apparemment celui qui également dans des audios précédents nous avons dit qu'il avait pris Safiya bin Huwayy en tant que captive pour le butin et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de la rendre ou plutôt de la laisser et d'en prendre une autre. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le dars qu'on avait pris auparavant. Et apparemment, c'est lui, Yahya. Et la preuve, c'est le hadith de Abu Othman, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et Jibril s'est rendu auprès de lui, qui avait Salama. Il avait l'apparence justement de Yahya. Il parlait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est parti, quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, li Salama, man hava, qui était-ce? Elle a dit Yahya. Elle a dit, pour moi, c'était sûr, c'est Yahya. Et après, elle cite. Que je n'ai su que c'était Jibril que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en a parlé dans sa khutba de Jumu'ah que c'était Jibril qui était venu. Sinon pour moi c'était Yahya. C'est-à-dire qu'il connaît son apparence. Radiallahu anhu. Thumma qala fi as-su'al as-sabi' wa 40 ba'd 500. 547e question. Man huwa alladhi akhadha as-sayf an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bihaqqihi fa falaqa bihi aham al-mushrikin. Qui est celui qui a pris l'épée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proposé d'être prise de son droit de façon légitime et par laquelle il a tué les mushrikin. C'est Abu Dujana Sammak ibn Khursha. Comme dans le hadith de Anas, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait pris une épée, Yom al-Uhud, le jour de Uhud, et il a dit Man yakhudh minni hadha, qui prend cela de moi, cette épée. Donc ils ont tous tendu leur main en disant moi. Thumma qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, faman yakhudhu bihaqqihi, qui c'est qui la prend légitimement, c'est-à-dire qu'il va s'en servir comme il faut. Et là, ils ont tous retiré leurs mains. Et c'est là que Abu Dujana est venu, il a dit Ana akhidhu bihaqqi, moi je la prends. Et de là, ils s'en est servi et il coupait la tête des mushrikin avec, lors des combats. Naam. Fa'ala la zira d'al yom, wa alhamdulillah bil alamin.